Je pense que l'idée d'un mouvement social, c'est la seule façon. Et tant qu'on brûlera les voitures, on verra des flics. Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif. Parce qu'ils veulent faire de moi un soldat au compte chèque solvable. Je vous le dis, je suis condamné à l'échec, parce que le monde qu'ils nous proposent m'indispose. Je le répète, je suis condamné à l'échec, parce que les études de lettres et de philo ça paye pas. Ils m'ont dit, petit mec, t'es condamné à l'échec. Condamné, faut accepter les lois du marché. C'est marche ou crève quand les diplômes deviennent les flèches de l'archer. Si réussir c'est un salaire, un pavillon sous hypothèque, permettez-moi d'être condamné à l'échec. Ils disent que les jeunes du ghetto veulent leur part du gâteau, incite à se lever tôt. Mais c'est quoi ce veto, cette injonction à être cool, rentrer dans le moule, enlever sa cagoule, enfiler ses pantoufles, s'asseoir dans son canapé, allumer sa télé, puis mater, lobotomiser leurs clips. Ça c'est misé sur notre consentement et notre consensus. Quand la révolte appelle à faire de l'oseille, c'est un terminus. On pourra pas nous exhorter d'aduler le MEDEF au canal Saint-Martin. Y'a des anciens cadres SDF, voilà l'envers du décor. Ce système est à refaire, l'humain n'est rien. Les trophées ne reviennent qu'au profit. Alors bien sûr, faut se prendre en main, évidemment. Ne rien attendre de ce système qui te considère comme un chien, qui te fait rapporter le bâton sous forme d'un maximum de lucre. S'il est bien docile, le toutou, il aura son sucre. Mais je ne suis ni une carte de visite, ni un CV. Pas de métier valorisant, je suis qu'intérim et CDD. Avant, j'aimais leurs balades. Maintenant, elles me narguent, elles me font constater que je n'ai pas de corde à l'arc, car je ne sais pas chanter, pas rapper, pas slammer, pas scénariser, pas designer. Moi, je passe pas à la télé. Laissez-moi être fatigué, être inadapté. Laissez-moi être un problème pour ceux qui veulent me soumettre. Me soumettre à devenir complice. Me soumettre à devenir servile. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Mais les voitures ne sont que des bibelots de notre consommation qui ne méritent aucun égard dans la révolte de nos chansons. Je ne suis pas déçu en ce système, j'ai jamais espéré pour nos parents tomber dans le panneau. Je ne peux être que navré. Où est mon HH rebelle qui fumait du hash? Maintenant le rap prend les allures d'un sermon de DRH. Il nous encourage à faire carrière et gagner des sous. De boire toutes ces conneries fait mal au crâne. Vite faut qu'on dessoule sans déclarer la guerre. Il a vaincu nos rhétoriques. Le capital est dans nos têtes et nous fait l'amour torride. Leur système à la con nous prépare à la compète. Ils vous parlent de réussite, je vous parle de conquête. Je n'accepterai jamais les règles qu'ils ont fabriquées. Je n'accepte que les rêves que mon cœur veut abriter. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors, donc je vais dire ton nom de famille, Céline. Et puis après, si tu permets, moi je tutoie très facilement. Ah oui, tu peux micro le dire aussi. Oh, oui. Imprononçable, Nieuwenhuis. Voilà, Nieuwenhuis. Moi j'ai quelques bases de flamand, de néerlandais comme ça, et ça veut dire nouvelle maison. Exactement, tout à fait. Et nous sommes ici d'ailleurs dans un habitat qui s'appelle Casanova, donc tout se relie. Voilà. Céline, ben moi j'avais envie de te rencontrer parce que tu as fait parler de toi sur l'internet par rapport, bon, tu es secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, comme on dit. D'ailleurs, je me demande, c'est quoi ce job? C'est quoi, t'es dans ton bureau et tu donnes plein de coups de téléphone, ou on te donne plein de coups de téléphone? Enfin voilà, ça c'est une question. Mais moi, j'avais envie de te rencontrer parce que tu as fait partie de ce groupe d'experts de déconfinement au printemps dernier, là. Et voilà, tu as fait une vidéo, et dans cette vidéo, tu expliques vraiment comment les choses se sont passées. Et en fait, c'est un peu à l'image du monde, quoi. C'est-à-dire que le social, on s'en fout. Enfin, l'économique, le gouvernement, on s'en fout, quoi. C'est vraiment le dernier. Mais voilà, je vais y aller doucement dans mes questions. La première, mais tiens, c'est vraiment une question. Fédération des services sociaux, tu fais quoi? Tu es dans ton bureau? C'est quoi ton job? Alors, je suis rarement dans mon bureau. Je dirais que c'est un métier de lien pour représenter les métiers du lien. Donc, à la Fédération des services sociaux, on bosse essentiellement avec les travailleurs sociaux, en fait, pour réfléchir à la fois comment mieux agir sur le terrain auprès des personnes en difficulté et en même temps pour mieux construire nos revendications politiques, pour vraiment faire émerger du terrain les difficultés qui se passent pour les gens et les faire remonter au plus haut niveau pour essayer de sensibiliser puis de changer les systèmes. Parce que finalement, ben, la précarité, c'est le résultat d'un système qui une société, une économie qui fabrique de la pauvreté. Donc de comment est-ce qu'on peut pointer avec les travailleurs sociaux tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils écoutent à longueur de journée pour faire remonter les choses. Et donc mon boulot comme secrétaire général, c'est d'être à la fois dans ma fédération et de soutenir tous les projets qui émergent sur l'aide alimentaire, sur les logements insalubres, etc. Mais surtout de faire lien avec tous les autres acteurs qui sont sur le terrain, tous les autres secteurs, la toxicomanie, la santé mentale, le sans-abrisme, et qu'on puisse vraiment quelque part se tenir et se serrer les coudes tous ensemble pour avancer vers une vision commune. Et quoi, et ça marche, ça, d'avoir une vision commune, d'être tous ensemble? Parce que j'ai l'impression aussi que dans notre monde, notre société, là, on divise plutôt. Tu sais, il y a les étrangers d'un côté, les sans-papiers de l'autre, les SDF de l'autre. Il y a des bagarres comme ça pour... voilà. Eh bien, je trouve que peut-être qu'il y a 15 ans, j'aurais pu dire que c'était un peu vrai. Aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, après la pandémie ou bien avant la pandémie? Parce que ça aussi, ça y a un gros boom, quoi. Oui, mais c'était déjà bien, bien en chemin avant. Je trouve que, en fait, j'ai l'impression aussi que face un gouvernement peut-être de plus en plus sourd à nos revendications, on s'est probablement, plutôt que de s'opposer les uns aux autres, on s'est serré les coudes pour avancer sur un front ensemble. Donc moi, je trouve qu'il y a, oui, que ça fonctionne bien et aussi que, ben, en fait, on a pu mettre ensemble nos regards et nos expertises pour dire, eh bien, si on veut mieux aider les gens, c'est là et comme ça qu'il faut bouger les lignes. Donc ça, je trouve ça assez réjouissant. Et alors, depuis la crise, évidemment, j'ai envie de dire, cette solidarisation des combats a encore pris un plus grand essor. Vraiment, ça, c'est comment ? Ça veut dire que le combat est plus fort ? Oui, alors je ne dis pas qu'on parvient mieux à se faire entendre, parce que voilà, on est quand même sur un terrain qui, politiquement, pose beaucoup de questions et fait beaucoup de débats, mais je trouve que, oui, c'est vraiment à la fois aussi sur la crise sociale, la crise écologique, la crise économique, la crise migratoire, l'accès de nos services, la préoccupation pour que nos services soient plus accessibles, la question de la santé, la question des hôpitaux. J'ai l'impression qu'on partage vraiment, en fait, c'est probablement tous les acteurs qui partagent autre chose que le gain économique, qui partage ce souci de l'humain, et encore plus quand il est fragile, encore plus quand il est invisible, encore plus quand ces problématiques se sont invisibilisées. Et donc c'est vrai que pendant cette crise, on s'est tous retrouvés face à la même chose, c'est-à-dire que ce qui nous semblait des cris de détresse énormes semblait ne jamais parvenir aux oreilles des gouvernements, ou en tout cas, s'ils parvenaient jusqu'aux oreilles des gouvernements, ben, comme les solutions ne sont pas simples dans le social, et que déjà avant la crise, je pense qu'on est quand même dans une tyrannie de l'efficacité assez importante au niveau politique, hein. On est dans une dynamique assez court terme, déjà avant la crise, mais alors évidemment, avec une crise comme celle-là, et les urgences, il a fallu quand même assez rapidement... proposer des solutions, et quand on a laissé aller les choses comme ça depuis autant d'années, les solutions, c'est pas juste un petit tour de vis, quoi. J'avais aussi envie de poser cette question avant tout, mais bon, on est dedans là, hein, on rentre dans le sujet. C'est quoi un précaire pour toi? Parce que ce mot-là, précaire, je dis ça parce que suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Et puis quoi, ces précaires, ils n'avaient qu'à bosser à l'école comme tout le monde. C'est quoi ce bazar? Je dis ça, bon, je titille, t'as bien vu, tu souris. C'est parce qu'on est quand même dans un monde où c'est chacun pour sa tronche, hein. C'est la compète, c'est la thune qui domine, c'est la violence. Enfin, tu vois, et je me demande comment défendre cette précarité, comment tu la vois, comment tu la définis, comment ça se fait que tu es là-dedans, en fait. Alors, déjà, j'ai envie de répondre à la première question, c'est quoi un précaire pour moi ? Alors, pour moi, c'est important de noter que c'est quelqu'un, c'est celui qui porte sur sa tête l'illusion de la réussite facile. Ça veut dire que, quelque part, les personnes précaires servent dans notre société à montrer que si on ne se bouge pas assez, voilà ce qui va vous arriver. C'est Patrick de Clercq, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui disait... c'est la fonction d'un sans-abri. C'est que quand vous partez au boulot tous les matins, même si vous vous luttez, que vous vous rappeliez chaque jour que si vous décrochez, voilà ce qui risque de vous arriver. On est dans une société où il n'y a pas d'emploi pour tout le monde, mais le fait qu'il y ait beaucoup de monde à l'arrêt de bus oblige les personnes, même s'ils sont très mal installés dans le bus, à y rester. Donc tout ça a une fonction, mais on laisse penser aux gens que ça n'a pas de fonction. Et ça, je trouve ça assez terrible parce que on voit aujourd'hui, les travailleurs sociaux témoignent beaucoup de ça, des personnes qui se sentent coupables de leur précarité, qui se sentent surnuméraires. Donc c'est vraiment un concept de Castel, l'idée que dans la société, il y a des surnuméraires. Eh bien, c'est vraiment quelque chose... Ça veut dire quoi, les surnuméraires ? Ça voudrait dire des gens totalement inutiles, ceux qui sont éjectés du système, qui sont totalement inutiles en termes de productivité et à qui on fait ressentir sans cesse qu'ils sont surnuméraires jusqu'au jour où eux-mêmes se sentent surnuméraires. Et ça, je trouve que c'est assez terrifiant comment une idéologie politique néolibérale et toute cette idéologie de l'État social actif, les gens doivent se bouger, si tu bouges, tu trouveras... Eh bien, elle a percolé à tous les étages de la société, jusqu'aux gens eux-mêmes, qui finissent par tenir des discours soit de se culpabiliser, soit de culpabiliser la personne qui est sur la chaise voisine dans la salle d'attente du service social en disant « Vous savez, moi, je ne suis pas comme eux. » Parce que, eux, on les a tellement stigmatisés. Et on aurait pu croire quand même qu'avec cette crise... On voit de manière évidente qu'il y a toute une série de personnes qui vont aller rejoindre les rangs de ces surnuméraires parce que la crise économique est là, qu'il y aura encore moins de boulot. Si on ne change pas la dynamique du marché de l'emploi, etc., on sait ce qui va arriver. Les rangs du chômage vont grandir. Mais on va rester et on reste aujourd'hui. En tout cas, on ne voit pas encore advenir et peut-être que ça viendra et on l'espère. On ne voit pas encore advenir de modifications dans la manière de penser, par exemple, l'emploi. Ça veut dire qu'on continue avec des dégressivités de chômage. Une dégressivité, ça veut dire si après 6 mois, si après 1 an, tu n'as pas trouvé, on te sanctionne financièrement. On va continuer avec des contrats d'intégration sociale dans les CPS où les personnes doivent montrer leur motivation à sortir de leur précarité. Je trouve ça effarant face à une crise comme celle-ci où cette fois-ci, on a la preuve évidente que personne n'a voulu cette crise. Personne n'a voulu cette crise économique. Elle a explosé, elle est là devant nous. Et il y en a qui en payent le prix, d'autres qui n'en payent pas du tout le prix. D'ailleurs, on ne leur demande pas de participer au prix que ça coûtera pour certaines catégories de population. Eh bien, face à ça, on reste sur les mêmes rails. C'est peut-être parce qu'on a le nez dans l'urgence, mais comme je crains que l'urgence va durer, il serait peut-être temps de commencer à réviser la manière dont on avait déployé les règles du jeu. Mais donc, tu as fait partie du GES, comment on dit ça? Ça veut dire quoi exactement, le groupe d'experts? le groupe d'experts pour l'exit stratégique. Et maintenant, c'est quoi ? Parce que donc ça, c'est terminé. C'était la période du déconfinement. Et maintenant, c'est le GAMES. Là, c'est le groupe d'experts pour le management stratégique de la crise du Covid. Et là, toi, tu fais partie aussi maintenant de... Voilà, ça, c'est les... T'es en plein dedans, là, non ? Oui, donc j'ai fait une pause entre les deux. Donc le GIZ, en effet, s'est terminé pendant l'été. Puis il y a eu un autre groupe qui a été mis en place par le gouvernement Wilmès, qui s'appelait le Céléval, avec encore plus de lobby autour de la table que ce que n'était le GIZ ou le GIZ. Et puis le nouveau gouvernement fédéral, et plus précisément, il me semble, Frank Vandenbroek, a mis en place un nouveau groupe d'experts dans lequel sont présents les administrations de la santé, ce qui semblait quand même un préalable important quand on parle de la crise, d'une crise et d'un virus, des experts de la santé. Et on est 4-5 experts hors du champ stricto sensu de la santé. Et on milite d'ailleurs ensemble pour avoir encore quelques experts en plus du champ de la psychosociologie, de la sociologie. Donc moi, je suis sociologue, je suis assistante sociale et sociologue, mais je travaille quand même plutôt sur les questions de terrain et de précarité. J'ai été beaucoup dans la recherche action. Il y a d'autres sociologues qui font des recherches de très grande ampleur sur le Covid aujourd'hui, et des psychosociologues qui pourraient nous aider aussi à analyser en fait la manière dont la société réagit à tout ça. Voilà, parce qu'on reste quand même, nos thématiques restent assez mineures dans la place qu'elles prennent dans les réunions, la place qu'elles prennent dans les rapports, et alors mineures de chez mineures, mais ça, c'était déjà le cas au moment du GIZ. Ça veut dire que même si dans les rapports il y a des dimensions, des revendications qui touchent la question des inégalités, de la précarité, du social, de la psychologie, etc., ces chapitres-là, s'ils sont éventuellement soulignés par le ministre de la Santé et le Premier ministre, éventuellement, ils ne sont pas à l'ordre du jour du Codeco. Du Codeco. Mais donc, c'est cette réunion avec l'ensemble des ministres du fédéral et, il me semble, les présidents des régions qui prennent les décisions sur ce qui va s'ouvrir, ce qui va se fermer, qui pourraient prendre aussi la décision sur quelle stratégie on opère, dans quelle logique on fonctionne, est-ce qu'on continue avec la même logique qui a été celle de le début de la crise, ouvrir et fermer des secteurs, est-ce que cette logique est toujours pertinente ? Alors je pense qu'ils ne se posent malheureusement pas toujours ces questions de fond, parce qu'ils sont vraiment dans des urgences, comme je le dis de nouveau, avec des pressions assez importantes des secteurs, de tous les secteurs, autant de l'horeca, de la culture, du secteur des voyages. Donc ils ont énormément de pression dans tous les sens. Et donc, c'est ça qui va former leur ordre du jour. Ils ont énormément de pression. C'est les politiques, là, tu parles ? Évidemment. Ouais, les politiques, l'économique. comment tu vois les choses, toi ? Parce qu'on est d'accord que si on avait envie d'une société plus égalitaire, plus juste, plus solidaire, on ne serait pas dans le monde dans lequel on est là maintenant. Donc, moi, si on me dit « Ah oui, mais les pauvres !» Tu n'as pas dit ça, vraiment pas. Hein. Mais je veux dire, ils doivent subir une telle pression, c'est pas facile. Non, mais tu n'as pas dit ça. C'est moi qui entends. Tu vois, parce que c'est... Je veux dire, s'ils avaient envie de mettre les choses à plat, de faire... Ça fait déjà longtemps, là, qu'on serait dans une société beaucoup plus harmonieuse. Hein. Donc là, ce qui était intéressant dans ta vidéo, c'est d'entendre, au fond... je crois que c'est peut-être ta manière spontanée, comme ça, de parler, très... On voit bien que t'es pas du chiquet, quoi. Et que je trouve que c'était une puissante vidéo. J'invite vraiment les gens à aller la voir. Et du coup, on prenait conscience que ce social à côté de cet économique... Ben c'est lui, évidemment, qui, l'économie qui domine et qui dit comment il faut faire, quoi. Mais donc, il y a plusieurs choses. D'abord, on voit bien, et c'est ça que j'ai pu voir, comme je le dis dans la vidéo, que vous pouvez retrouver sur le site de Zine TV, d'ailleurs, il me semble, c'est que on sait dans la théorie qu'on est dans un monde capitaliste, que c'est l'argent qui guide les décisions politiques, etc. Mais le savoir théoriquement et le vivre dans son, pas dans son corps, pas exagéré, mais je l'ai vu vraiment de très près et j'ai vu à quel point ce qui n'engendrait pas de bouleversements financiers, hein, toutes les décisions, les propositions de décision, ça veut dire en fait le social, la santé mentale, même le malaise des travailleurs du secteur hospitalier, le risque de burn-out, tout ça, tout ce qui n'engendrait pas des décisions financières ou qui n'impactait pas directement, parce que tout ça va avoir un impact indirect sur le pays au niveau financier, mais tout ce qui n'impactait pas directement n'était pas mis dans les urgences, en fait. Oui, mais comment ça se fait, ça, Céline ? Ils sont cons ? C'est parce qu'on est d'accord qu'on est dans un monde hypocrite, quoi. Parce qu'au fond, c'est un combat contre cette société, bon, moi, je la caricature, hein, où c'est la loi du plus fort, où on va gérer le monde, on va devenir des puissants, et puis l'autre, où les gens, ben, ouais, ils rigolent entre eux, c'est sympathique, ils sont... Tu vois, ils sont... Je veux dire, j'ai l'impression qu'on voit ces deux mondes comme ça, et que c'est un combat, en fait, à mener, et que c'est pas... comment dire, c'est pas... C'est fait exprès, quoi, en gros. Je dirais pas que c'est deux mondes. Je dirais qu'on vit tous en conscience dans un monde extrêmement capitaliste, dans lequel la question de l'humain... De la souffrance, du surnuméraire, de la santé mentale, des violences à la maison, du décrochage scolaire, n'a pas de place. Ça n'a pas de place. Oui, mais moi, j'avais envie de poser la question, pourquoi ça n'a pas de place ? Tu vois, on est occupé un petit peu à comprendre que ce n'est pas depuis aujourd'hui que ça date tout ça. Ça fait déjà longtemps. Et moi, je suis occupée à dire bah, c'est un combat qui est mené depuis déjà longtemps, quoi. C'est pas aujourd'hui, là, maintenant, c'est un combat qui est mené déjà depuis longtemps pour se dire que les humains se sont battus, par exemple, pour des congés payés, pour le droit à la santé, pour... Il faut pas croire que ce sont les économistes qui ont mis ça en place. C'est parce qu'il y a même des gens qui sont morts, il paraît, hein. Mais donc déjà, ça montre aussi hein, la nécessaire puissance de la mobilisation pour que ces questions-là soient mises à l'agenda. Hein ? Tu dis, il y a des gens qui en sont morts, il y a eu des mobilisations, des grèves pendant des mois, il y a des gens qui ont pris énormément de risques, il y a des gens qui ont perdu leur job. Mais donc ça montre quand même que les combats sociaux ont été des véritables combats, effectivement, depuis toujours. Alors aujourd'hui, dans un monde encore plus capitaliste qu'hier, qui en plus est... Et je trouve qu'on, moi je l'ai vu et dans la gestion de cette crise, on est pris aussi dans une Europe qui elle-même est prise dans une concurrence avec le reste du monde, avec un système où on est dépendant de la Chine, on est dépendant, enfin on est dans un engrenage quelque part gigantesque. Et en plus de ça, bon, il y a eu des élections, les gens ont voté, on avait en tout cas, et on le sent d'ailleurs, je trouve, les sensibilités des partis. Hein, je veux dire, on a fait des choix politiques, donc il y a aussi des partis au pouvoir qui ont un électorat qui, lui aussi, veut protéger son pognon, qui lui aussi veut protéger ses secteurs. La place des patrons dans cette crise a été très très importante, surtout pendant la première vague, et sans déguisement, sans vergogne. Et d'ailleurs, je pense... Il y a une chose, c'est qu'on met les décisions de cette crise dans les mains de politiques qui sont pas parce qu'ils s'appellent X ou Y, mais parce que la politique est depuis longtemps dans une perspective et elle est dans un système ultra court-termiste. Elle est dans un système où ils n'osent pas prendre de risques parce que dès qu'ils prennent un risque, dès qu'il y a un trébuchement ou quoi, on ne manque pas de le noter. Donc il y a quand même il y a ces dynamiques-là. Là, il y a le fait qu'ils soient extrêmement liés à leur électorat. Donc il y a les lobbies, il y a l'électorat et il y a le court-termisme. Et en plus de ça, on est dans une société ultra-capitaliste, néolibérale, dans laquelle, déjà il y a 50 ans, quand c'était moins le cas, il fallait presque s'ensanglanter pour obtenir des droits. C'est un beau tableau. Mais donc, c'est pas étonnant que le social... le gouvernement, je sais pas, le politique, l'économie, ils s'en foutent. quelque part. Tout à fait. Le social, pour une série de politiciens qui connaissent peu ces matières, ça reste la charité. Hein. Et d'ailleurs, alors c'est là aussi que je me rends compte hein, que moi, ça fait des années que je travaille dans le secteur et que je passe mon temps à discuter avec des travailleurs sociaux, avec des travailleurs de terrain, avec des psys, avec des psychiatres, enfin avec des gens avec qui on partage énormément de valeurs. Et donc là, je pense aussi que mon étonnement a aussi été lié au fait que, en fait, pour moi, par exemple, je vivais comme une évidence que tout le monde était indigné des longues files qu'on a vues dès le début de la crise pour aller chercher un colis alimentaire. Je me rendais compte que cette indignation n'était pas partagée par l'ensemble des politiques autour de la table. Donc là, j'ai quand même eu un étonnement. Je me suis dit, en fait, ce qui me semblait, moi, acquis, évident, on est en 2020, on ne va quand même pas en pleine crise sanitaire. 21, hein, je ne sais pas, Céline. Mais on était en 2020, au moment où j'ai commencé le groupe d'experts. D'accord. Voilà. Et donc, je me disais, on est dans une crise où on demande aux gens de ne pas bouger de chez eux. Mais personne n'en a rien à cirer que les gens précaires, eux, bougent de chez eux, en fait. Donc déjà, on perçoit à quel point le risque zéro ne semble pas aussi inquiétant pour tout le monde. Et on ne se rend pas compte qu'on ne s'inquiète pas que ces gens, elles, bougent de chez elles. Or, on fait passer les messages non-stop que les gens doivent rester chez eux. Il y a ça. Et puis, le fait que ces fils s'allongent, qu'on est en Europe, qu'on est en 2020 à ce moment-là, et qu'on voit ces fils s'agrandir, qu'il y a des vidéos qui circulent sur le net, ça ne semble en tout cas pas émouvoir tout le monde comme ça me révolte, moi. Ça ne m'émeut pas, ça me révolte. Oui, c'est un peu cette feinte hein, de dire ils ont qu'à, ces personnes, ces précaires, ces gens qui ils n'ont qu'à traverser la rue pour trouver du travail, ils n'ont qu'à se lever, ils n'ont qu'à se booster, ils n'ont qu'à... C'est un peu, je trouve, l'idée qu'on fait passer dans la société. Hein. C'est parce que toi, tu es d'une certaine génération, mais il faut que derrière, ça suive. Hein, parce que ça... Je veux dire, tiens, justement, la jeunesse sociale, les jeunes assistants sociaux... je veux dire, tu vois, d'être vraiment habité par cette différence entre charité et vraiment... De droit, quoi, de droit à une égalité pour tous, quoi, tu vois. Est-ce que le flambeau va pouvoir reprendre, quoi? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, mais je comprends, et c'est un boulot, sans fin que font les écoles sociales, je trouve, de manière assez assidue, quoi, de vraiment s'assurer que... Et d'ailleurs, je ne trouve pas qu'il y a une telle... J'ai pas l'impression dans les services sociaux que toutes les personnes d'une certaine génération, plus âgées, 40, 50 plus, sont bien dans la bonne dynamique militante et que les jeunes seraient qu'une vision très individualiste. Je trouve que les choses ne se passent pas comme ça. On a entendu cette jeune travailleuse sociale sur Matin Première qui dénonçait l'inaccessibilité des services publics qui travaille chez Babel, Isaline Vranken. Je trouve qu'elle a... Elle a nommé avec une grande habileté le jeu assez révoltant dans lequel sont obligés de jouer les travailleurs sociaux aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que ça gronde aussi chez les jeunes. Ça veut dire, en tout cas, si on regarde par exemple pour le climat, ça a plus grondé chez les jeunes que chez les quarantenaires. Donc on pourrait se dire que sur les questions sociales, moi j'ai assez confiance dans la génération à venir sur leur capacité de gronder. Et de refuser cette société ultra-capitaliste. Alors, on ne peut pas en parler, hein. Tous les jeunes ne sont pas là-dedans, évidemment, mais j'ai l'impression que peut-être qu'ils en ont vu les limites, et quelque part, le gouvernement, pour moi, s'est un peu retrouvé déshabillé comme ça. C'était des choses qui étaient déjà là avant, mais avec cette crise, on les a vues de manière beaucoup plus évidente. Attends la suite, alors. Oui, tu disais... Les mesures étaient uniquement prises pour les classes moyennes. Ça, je trouvais aussi intéressant de comprendre qu'au fond, je trouve que c'est un... Quand tu disais ça, moi, je regarde Bruxelles aussi, je trouve que, tu sais, on vire tous les petits gens, on rénove, allez, cassez-vous maintenant. Je trouve que ça fait partie de... Voilà, c'est une vision politique, économique, d'une classe moyenne, quoi. Je trouvais ça intéressant. Ah oui, mais donc ça, c'est... Moi, je dis toujours... En fait, Bruxelles est quand même une ville où d'un quartier à l'autre, c'est très très différent, parfois d'une rue à l'autre. Hein. Si on regarde Schaerbeek ici, entre ici le quartier Collignon et la place Émile Max, y a vraiment un gros saut de revenus, je pense. Et donc, en fait, en fonction de l'endroit où on se trouve, on peut tout à fait ignorer la précarité. Ça, c'est une chose. Et avec un confinement, c'est encore plus fort, évidemment. Parce que les gens restent dans leur quartier, télétravaillent de chez eux. Donc si on est dans une villa à Rhodes-Saint-Genèse, on risque moins de voir ce qui se passe au centre-ville, moins ce qui se passe devant De Broeker, La Monnaie. Et donc là, j'ai vraiment vu aussi que, déjà avant la crise, on avait un slogan qui tous les 17 octobre, qui est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, qui était « Rendre visible l'invisible ». Qui est devenu tout un mouvement, justement, qui allie les revendications sociales, climat. Et on se rendait déjà compte, à l'époque, que la pauvreté est rendue invisible, d'abord parce qu'on n'étale pas sa pauvreté, comme on étale sa richesse. Ah ouais, pas mal, ça. J'y avais jamais pensé. Ah ouais, ouais. Donc la pauvreté se cache, là où la richesse ouvre grand tous les poumons, la voiture, là, voilà. Et il y a une honte autour de la pauvreté, il y a une honte qui a été, comme je le disais, fabriquée aussi par des discours politiques, par des discours des gens, par des idéologies. Et donc, en fait, j'ai mesuré aussi que, avec ces nouveaux interlocuteurs qui étaient autour de la table, alors, il faut distinguer quand même les experts et les politiques, toutes couleurs politiques confondues, en effet, je trouvais qu'il y avait quand même peu de préoccupations de ce que pouvait être un confinement quand on était dans une précarité importante. Mais pourquoi, là, à ce moment-là, ils n'écoutent pas ce que tu as à dire, toi, puisque toi, tu es en ligne? C'est ça que moi, que j'ai du mal à comprendre. Ils font appel à toi, parce que toi, t'es, on va dire, t'es la plus directement touchée par ces affaires sociales, quoi. Ils font appel à toi. Du coup, ils n'ont rien à dire dessus, puisqu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Alors, hop, ils te demandent, tiens, Céline, qu'est-ce que tu nous renvoies, toi, du terrain? Et du coup, ils prennent une décision. Enfin, vous la prenez ensemble, quoi. Tu vois, c'est ça que... C'est comme si on t'a... Pourquoi on t'a appelé, en fait? C'est une bonne question. je pense qu'en fait, on pense que tout le monde sait ce que c'est le social, mais ce n'est pas le cas, d'abord. Donc je pense que quand ils m'ont appelé, je ne pense pas qu'ils avaient une bonne conscience alors, de ce qu'était le social et encore moins des solutions qui vont être mises sur la table. Comme je disais, quand on vit dans un logement petit et précaire, la solution, elle n'est pas aussi simple que... je sais pas, c'est pas aussi simple que pour les secteurs. Il y a des secteurs qui sont fermés, on les rouvre, on écoute d'un côté les propriétaires de sauna, de l'autre le gars de Péridaïsa. Enfin, tout ça est assez simple, c'est ouvert, fermé, c'est comme des robinets. Mais le social, il y a peu de solutions simples, quoi. Et en plus, ce qui est plus compliqué, est-ce que vraiment il n'y a pas de solution simple? Je veux dire, si on réfléchit normalement, tu vois. Alors, il y a deux choses. Les solutions peuvent être simples, mais elles demandent beaucoup de pognon. Et là, on se rend compte quand même que dans une crise comme celle-là, on a déjà l'idée qu'on dépense beaucoup trop de pognon, qu'il y a le chômage temporaire, le droit passerelle, et que comparé à un pays comme les États-Unis, c'est déjà tellement généreux, tellement énorme, que ça, c'est le social, en fait. Pour une partie des politiques, c'est ça le social. C'est le chômage temporaire, c'est le droit passerelle. Et en partie, c'est vrai que c'est indispensable. S'il n'y avait pas la sécurité sociale, avec la crise, il y aurait eu plus de 55% des Belges qui auraient été sous le seuil de pauvreté du jour au lendemain. Donc, en effet, ça fait partie. Mais il n'y a pas que ça. Mais pour certains autour de la table, ça, c'est déjà énorme. Et donc, comme je dis, non seulement ça demande loger des sans-abri, vous savez que c'est quand même MSF qui est venu le faire, c'est pas le gouvernement, c'est les communes, c'est les hôtels, il y a eu vraiment une mobilisation assez disparate, renforcer la santé mentale, renforcer les équipes mobiles, trouver des solutions pour que tous les jeunes soient correctement connectés pour suivre l'école, etc., il faut lâcher du pognon. Et là, j'ai senti que c'était plus compliqué. Ah bah oui, là, tu m'étonnes. Mais par exemple, je sais que c'est 470 milliards de produits, de PIB, comme on dit. Donc c'est la richesse sur une année de ce que produit la Belgique. C'est combien le social ? Tu sais, toi ? De ce qu'il produit ? Non, pas de ce qu'il produit, mais de c'est combien la manne de thunes pour le social ? Tu sais, toi ? D'ailleurs, c'est un autre problème. Hein, c'est qu'on n'est pas aussi assidu dans le social en chiffres qu'on peut l'être dans l'économie. Et que donc, dans une crise comme celle-ci, face à une tyrannie de l'efficacité, avec un bureau de consultants comme McKinsey autour de la table, on ne parle qu'en chiffres. On ne parle qu'en chiffres. Et donc, même si vous dites qu'il faut loger les sans-abri, il faut que vous puissiez dire en même temps combien ça va coûter. Et on n'est pas tellement organisé autour des chiffres dans le social. Donc heureusement, il existe le bureau du plan, il existe toute une série d'acteurs. Mais ça a été un des premiers constats de la crise. Et d'ailleurs, une des premières demandes, c'est d'organiser un monitoring à la hauteur de la précarité. Moi, je recevais tous les jours, un PowerPoint qui me détaillait magnifiquement la santé financière des entreprises. Au jour le jour, au centime près. J'aurais voulu avoir la même chose pour les ménages. Et ça, de nouveau, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de manière précise. Alors après, il y a énormément de choses qu'on peut voir. Le bureau du plan coordonne des études où on a par exemple vu que 70% des personnes qui étaient au chômage temporaire étaient des personnes qui avaient un salaire brut de moins de 3000 euros par mois. Très intéressant. Hein, on voit vraiment que c'est les plus bas salaires qui ont payé doublement la crise. Et que si certains se réjouissent que ces gens aient gardé 70% de leur salaire, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience qu'avec un salaire, par exemple d'une aide ménagère qui serait à 1400 euros par mois, quand on passe de 1400 à 1100, c'est compliqué. Quand on part de 1100 à 900, c'est très compliqué. Et ça, il n'y a pas de conscience. Et c'est là, pour revenir à la classe moyenne, par exemple, je suis revenue plusieurs fois autour de la table à dire, attendez, on est en train de mettre des milliers de personnes en télétravail, mais que font les personnes avec leurs enfants, hein? Et moi, je l'ai vécu de manière tout à fait intime, cette question-là en plus, même si nous sommes deux, mais que font les mères seules avec enfants? Alors, il y avait un congé parental corona, mais qui était financièrement totalement inaccessible. Si vous n'avez pas un des deux conjoints qui gagne très bien sa vie. Et donc ces questions-là ont vraiment du mal à se faire une place parce qu'elles ne concernent que un cinquième de la population et qu'il semblerait qu'on est quand même plus tracassé par un électorat influent et puissant comme les propriétaires des entreprises ou des personnes influentes. J'imagine, hein, là je fais vraiment une hypothèse, mais j'ai senti qu'on était plus préoccupés sur le fait que Francorchamps, par exemple, allait pouvoir avoir lieu, parce que Francorchamps, en fait, les tournois de foot, je suis vraiment Les courses épiques. Les courses épiques, mais aussi les parcs d'attractions. Non, pas les concours de foot, hein, on ne parle pas de la fancy fair, mais les concours sportifs à haute. Les Olympiques. Les Jeux Olympiques. Même pas les standards et les trucs qui jouent ensemble sur un terrain vert, là. Ça brasse plein de pognon, ces trucs-là. Les équipes de Barça et de... Je vois les tournois, quoi. Les tournois de foot, mais ça porte encore un autre nom. On est vraiment nuls. Ah oui, parce qu'elle est très douée. Marjo, comment on appelle les concours de foot, mais avec des professionnels ? Les concours de foot, mais avec des professionnels. Où il y a plein d'argent en jeu... Ah voilà, les Champions League, voilà, par exemple. Exactement. Ben ça, c'était une plus grande préoccupation politique parce qu'en fait, moi, je connais rien du tout. Ça brasse beaucoup de pognon. Tout le secteur du sport professionnel, avec ou sans spectateurs, en live, pas en live, est-ce que les gens vont... Parce qu'en fait, les gens payent leur place, je sais pas combien. Je sais pas comment ça se fait que ça brasse beaucoup de pognon, mais j'ai senti que ça prenait plus de temps. Si on avait analysé, d'ailleurs j'aurais trouvé ça passionnant qu'on analyse le temps passé sur différents sujets, oui. Ça doit être génial, même les mots qui reviennent, on sait, par exemple la question des casinos, À un moment donné, mais bon, il faut aussi se dire que la méthode de travail et les conditions dans lesquelles on était, donc on n'était pas payé, on bossait jour et nuit, du jour au lendemain, en plein confinement. T'étais motivé de quoi, toi ? Par quoi, alors, tout ça ? En fait, ce que je comprends, et par ta vidéo aussi, on comprend, bah oui, Céline, en fait, elle nous raconte ce qu'on sait déjà tous, ou ce qu'on devine déjà tous, quoi. Mais elle nous le dit, parce qu'elle elle y a participé. Elle a fait du journalisme d'investigation, quoi, quelque part, quoi. Mais la question, je sais que j'ai déjà posé, mais qu'est-ce que tu faisais là, au fond ? Mais donc, il y a la raison pour laquelle on m'a mise autour de la table. Je pense qu'on pourrait faire plein d'hypothèses, mais voilà. Une fois que j'étais là, j'ai arrêté de me poser cette question, d'abord. Alors, il faut savoir que je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Hein, je pense que je l'explique dans ma vidéo. Ouais, ouais. Mais une fois qu'on est là-dedans, et c'est aussi pour ça que j'y suis retournée, c'est que même si je pense ne pas toujours être entendue, je trouve que c'est important de le noter. Et de l'observer. Si personne n'est là pour dire, on ne peut même pas observer qu'on n'a pas été entendu. Mmh. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas été entendu parce que personne n'a dit. Mmh. Donc je pense qu'il faut continuer à dire. Enfin, Christine Mailly est un exemple magistral. Elle dit depuis des années, elle redit sans relâche. On pourrait dire, mais Christine, pourquoi tu es toujours au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté ? Eh bien, parce que d'abord, il y a des petites victoires. Voilà, c'est important de le dire, ça aussi. Hein. Oui, il y a plein de petites victoires, il y a plein de petites avancées. Et d'ailleurs, je me rends compte, c'est assez curieux, mais dès que j'ai envie de lâcher, j'ai une petite victoire qui me tombe dans les mains. Donc, on dirait que c'est fait exprès. Donc, il y a plein de petites victoires, il y a des choses qui bougent, rien n'est monolithique, rien n'est simple. Et puis aussi, moi-même, j'évolue dans ma stratégie. Hein, parce qu'il y a toute une stratégie derrière. Hein. Il n'y a pas que les patrons qui ont des stratégies. Hein. Il faut tous avoir des stratégies. Et donc, je vais dire, j'évolue dans mes alliances, dans ma stratégie, dans la manière de nourrir mon travail, dans la manière d'expliciter mes revendications, dans où je les porte, avec qui je les porte. C'est un champ infini de travail. Et moi, je reste profondément indignée, émue, fâchée de ce qui se passe pour les personnes fragiles ou celles qui vont le devenir. Ça fait que je n'arrive pas à lâcher. Et je me sens investie d'un devoir. Aujourd'hui, on m'a donné cette place, j'ai la place que j'ai. J'ai la légitimité, en tout cas auprès de certains, pas auprès d'autres, mais je ne verrai aucune raison valable de lâcher tant qu'on ne m'a pas totalement enterré, quoi. Carrément, quoi. Pas mal. J'aime bien aussi parce que tu disais quelque chose qu'on n'a pas conscience. Toi, tu dis que ça coûte moins cher, hein, puisqu'on est dans une société où tout marche par ce coût. Par l'argent, que ça coûte moins cher d'aider quelqu'un avant qu'il ne soit tombé plutôt que quand il est tombé. Tu dis ça souvent, tu as dit ça souvent. Bah, c'est vrai ? Ben oui, en fait, y a rien de plus vrai. Encore ce matin, j'étais une réunion sur la question de la santé mentale avec tous des acteurs de la santé mentale, à la fois des chercheurs, des professionnels. Enfin, les situations qu'on peut voir qui sont... Le lien entre la précarité et la santé mentale est quand même important. Hein. On voit bien que quand des familles, des mères, des pères, des enfants sont poussés à bout dans des conditions de vie extrêmes, ça veut dire franchement être confiné, être nombreux, être confiné dans un petit espace, c'est tout pour créer de la violence, quoi. Et on sait bien que la violence entraîne la violence. Enfin, je veux dire, faut même pas faire de dessin. Et je vais pas. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on met en place après pour éponger cette précarité, tous ces professionnels du social, de la santé, mais ça coûte un bras, quoi. Ça coûte un bras. Un hébergement d'urgence pour une famille qui a perdu son logement, ça coûte un bras. Ça coûte bien plus cher, en fait. Si mon calcul est bon, je pense que en gros, on était plus ou moins à 2000 euros par mois pour une famille. Mais pourquoi on ne lui a pas payé 4 loyers à 500 balles ou à 700 balles même ? Je veux dire, 4 mois de loyer et elle n'aurait pas perdu son logement. Elle n'aurait pas vécu le traumatisme de l'expulsion d'un logement. C'est un traumatisme pour des gamins. C'est un traumatisme, c'est une humiliation. On met des années à réparer ça. Des années, c'est aussi des occasions de décrochage de tout, de décrochage scolaire, de décrochage du quartier, de décrochage d'amitié, de décrochage... Tout ça, ça coûte et ça va coûter pendant très longtemps. Et puis surtout, je veux dire, à force de tordre les gens dans tous les sens, parce qu'on les tord dans tous les sens, à force de leur donner pas assez pour donner à bouffer à leurs mômes, etc. Je veux dire, ça crée quand même un sentiment d'exclusion de la société qui fait qu'après, quand on demande allez, les citoyens commun tous ensemble, c'est difficile. Hein. Je veux dire, c'est des gamins qui, pendant des années, vont porter cette culpabilité, cette responsabilité. Voilà. Je n'ai pas compris quand tu dis... ça va être difficile de les... Qu'est-ce que tu veux dire, là ? Mais donc après, c'est quand on veut faire société, en fait. Quand on veut faire société... Et quand... parce qu'ils ont une vie dure, ou c'est chacun pour soi, parce... ou c'est ça que tu veux dire ? Mais oui, mais parce qu'en fait, ils s'en sentent plus partie de ces sociétés. Rien ne leur a montré qu'ils étaient accueillis. On a laissé leur quartier pourrir, on a laissé leur tour de logement pourrir, on a coupé l'eau chez eux et on a laissé leur mère aller acheter des bidons d'eau et se casser le dos pour monter au troisième étage parce qu'on avait coupé l'eau, parce qu'ils n'ont pas payé leur facture. Enfin, de voir ça... les jours, à un moment donné, on se dit, la société, elle n'est pas là pour moi. Et donc, l'envie de contribuer à la société, l'envie de la rendre meilleure, l'envie de jouer dans le jeu, quand on vous a non-stop montré que vous n'étiez pas dans le jeu, voire qu'on vous a démontré qu'on vous mettait hors du jeu par des humiliations, moi, je pense que, moi, en tout cas, j'ai l'impression que si je vivrais ça, et je pense que Bernard DeVos pourrait le dire avec les jeunes, après, ça crée quand même des situations où on dit fuck la société, quoi. Oui. Même pas que les jeunes, hein, les adultes aussi. Enfin, je veux dire. Oui, les jeunes, les adultes, les plus âgés. Mais donc ça crée de la violence, hein, ça crée de l'insécurité. On sait bien que la précarité crée de la violence et de l'insécurité. Pas parce que les gens précaires sont violents et qu'ils sont nés violents, parce qu'ils ont subi tellement de violence qu'à un moment donné, c'est difficile de ne pas la rendre. Et donc, quand à un moment donné, un gouvernement dit on est 11 millions, on est une grande équipe, tous ensemble, on va lutter contre le coronavirus, en fait, ça sonne un peu faux, quoi. Parce que sur tous les autres aspects, ils n'ont pas eu l'impression de faire partie des 11 millions, du team, de tous ensemble des conditions dignes de vie, tous ensemble dans des conditions sanitaires salubres. Ils n'ont pas senti ça. Ouais, mais c'est dingue parce que quand tu décris le tableau, oui, c'est dégueulasse, quoi. C'est complètement dégueulasse, hein, quand tu regardes les choses comme ça. Pourquoi il y aurait des gens plus importants que d'autres ? C'est ça, en fait. Moi, je me suis rendu compte de ça de plus en plus. Et ça, ce n'est pas depuis aujourd'hui, hein, qu'il y ait cette pensée. C'est-à-dire qu'on... Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus importants que d'autres. Et ça, c'est terrible, cette idée-là. D'où elle vient, quoi ? D'où elle vient cette idée de penser qu'on est plus important soit qu'un autre ? Alors là, vraiment, je ne sais pas qui a inventé cette idée, mais elle est folle, quoi. Et tiens, Céline, on arrive tout doucement à la fin, mais il y en a qui vont te rétorquer. Et la thune, fille, tu veux la trouver où, la thune, pour financer ? C'est un peu, on en a déjà un petit peu parlé, hein ? Parce que c'est très bien beau tout ça d'aider les gens. Moi, j'ai pas de problème. J'ai un avis là-dessus. Hein, je veux dire, je te titille là. Hein. Moi, enfin, c'est vrai que je peux le dire. Je pense qu'il y a énormément d'argent qui est mis à un certain endroit. Enfin, il n'y a qu'à regarder comment les choses se passent, même au niveau de la construction à Bruxelles. C'est hallucinant quand on est en crise et après confinement là, j'ai jamais vu autant de gens qui se mettent à vite. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont eu peur pendant la période de confinement, là. Et du coup, maintenant que c'est déconfiné, allez, vite, il faut vite. Ça construit de partout, quoi. Ou bien c'est le printemps qui fait ça, je ne sais pas. Mais il y a de l'argent. Voilà, ça, c'est sûr. L'argent, il vient aussi des gens qui travaillent, quoi. C'est pas... Enfin, je veux dire, l'argent... Et puis, on vit aussi extrêmement... Enfin, pas tout le monde, mais... dans des conditions folles, avec 3 toilettes par maison. Bon, c'est une petite blague pour dire ça, mais les voitures, tu vois, les gros... Enfin, voilà, est-ce qu'on... Nous, du côté riche, évidemment, enfin, voilà. Mais donc, la première phrase qui me vient, c'est celle de Pierre Wunsch, le directeur de la Banque nationale, qui dit « L'épargne des Belges n'a pas été touchée par la crise, elle a même augmenté. » Pas n'importe quelle épargne. Pas n'importe quel épargnant, je dirais. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de pognon en Belgique. Il y a du pognon. Il y a des entreprises qui ont fait énormément de pognon pendant cette crise. Il y a beaucoup de gens. Et même Mathias de Watripon, qui est économiste et qui était autour de la table du GIS et maintenant du GEMS, disait au grand oral, comment ça se fait que moi, qui n'ait pas perdu un franc. Qu'est-ce qui justifie le fait que des gens n'aient pas perdu un franc pendant cette crise et d'autres aient perdu alors que personne ne l'a voulu ? Il a de la chance, il est dans un secteur qui n'a pas été arrêté. Il dit, moi, je suis prof du NIF, je n'ai pas été arrêté, je n'ai pas perdu un franc. Pourquoi on ne m'a pas demandé de mettre une partie à contribution. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à des grosses, grosses entreprises qui, elles aussi, se sont fait... Il y a autant des gens, des entreprises, des entités, des fondations, j'en sais rien. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui n'ont pas perdu de pognon, voire qui en ont fait. Pourquoi est-ce qu'on ne le demande pas? Ça, c'est une chose. Et puis, il faut écouter Esther Duflo sur la dette, donc prix Nobel de l'économie. Je vous invite, elle a des petites capsules vidéo très, très chouettes et très didactiques à écouter. Moi, je n'y connais pas grand-chose en chiffres et en économie. Mais elle explique que c'est moins problématique de creuser la dette des États que de laisser la situation se détériorer. Qu'en fait, une situation qui se détériore rend le pays beaucoup moins stable et beaucoup moins attractif économiquement, si j'ai bien compris, qu'une dette d'État qui est quelque chose d'ultra stable, en fait. On sait qu'elle sera remboursée à un moment donné ou à un autre. Donc d'abord, alors après, ce n'est pas mon domaine, donc je ne vais pas... Mais je n'ai jamais été totalement convaincue par l'argument qu'on manque de pognon pour les personnes précaires, parce qu'on a vu en 2008, on n'a pas manqué de pognon pour les banques. Il y a quand même, et même avec cette crise, hein, on voit bien que, je veux dire, quand l'urgence est là, le pognon il est débloqué. Donc moi, et en plus, je pense que c'est un mauvais calcul, parce qu'un pays qui va, un pays avec une crise sociale et économique importante, est un pays qui va mal et qui à mon avis, doit être, pour les investisseurs, pour tout ça, assez peu attractif. Donc moi je pense qu'il y a une vraie question de choix politique là autour. Essaye vraiment se rendre compte que cette crise n'a pas été gérée par des experts, mais a été gérée par... Les experts ont donné des avis, évidemment. Ils ont certainement influencé la décision... Sur les aspects santé, il faut quand même savoir qu'à la différence du social, les politiciens n'y pigent rien, hein, sur le taux de positivité d'un virus comme le Covid, etc. Donc il y a aussi une différence, c'est que sur le social, tout le monde a son... Je dirais, moi, quand j'ai eu plusieurs politiciens et plusieurs cabinetards en ligne, tout le monde avait son avis sur le fait de transformer l'aide alimentaire en aide financière, parce que vous comprenez, bah, les pauvres pourraient commencer à choisir ce qu'ils mangent. Enfin voilà. Tandis que sur le virus, bon, il y a quand même déjà beaucoup de gens. Mais donc, voilà, il y a des vrais choix politiques là derrière, et c'est ça qu'on a vu émerger de manière assez criante pendant cette crise. Après, peut-être que cette crise, après, je pense qu'il faut être patient aussi, et ça, c'est ce que j'ai appris pendant cette crise, et que donc, c'est pas parce que tout n'est pas advenu aujourd'hui que que les choses ne vont pas évoluer demain. Ouais, c'est vachement positif, ça, terminer là-dessus, non? Ouais. Oui, c'est vrai, mais donc. Tu es bien dans un combat quelque part, tu ne vas pas lâcher, et on ne peut pas t'acheter, toi? Parce que si j'ai compris, maintenant, tu es payé dans le groupe. Dans le même groupe. Même pas, non, parce qu'en plus, je pense qu'on nous a dit qu'on serait payé, mais personne n'a jamais vu la couleur. Et en plus, moi, c'est mon ASBL qui est payé, et pas moi, parce que moi, je bosse pour une ASBL. Donc non, on ne peut pas m'acheter. Après, je ne dis pas qu'un... C'est vrai que les conditions... Alors maintenant, j'ai vraiment aussi appris. Hein, on apprend très vite à réguler les choses. Mais voilà, je commence à trouver un bon système pour ne pas être seul au front, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette, parce que je sens que plus on avance, mieux on s'organise ensemble, et moins je suis seul au front, et moins je serai obligée de bosser jour et nuit. Donc, parce que le plus grand risque, c'est que je m'épuise. Hein. Ah, mais ça, c'est sûr, il ne faut pas rester toute seule, quoi. Ça, c'est évident. Non, il ne faut pas rester toute seule, mais ça met du temps à s'organiser. Et puis ça, c'est le rythme. Hein. C'est, je dirais, l'information. Il ne s'agit pas d'attendre 3 mois avant de l'avoir. Hein. Donc, ça demande aussi une adaptation en termes de culture de travail. Voilà, on devient des super McKinsey consultants du social. C'est une bonne nouvelle. Ce sera le mot de la fin, ou bien je te laisse un peu réfléchir? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur toute cette converse, sur ces groupes de... Enfin voilà, ce que tu as envie, en fait. J'aurais quand même... je ne sais pas qui nous écoute, mais en tout cas, j'inviterais quand même aux gens à se mobiliser de manière constructive. Je trouve qu'il y a une chose dont il faut faire très attention, que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les mesures du gouvernement qu'il faut remettre en question la dangerosité du virus. On est quand même face à un virus qui touche particulièrement les plus précaires, donc ceux qui ont des soucis de comorbidité aussi. Donc je trouve que moi je suis très sensible quand même à cette question de la circulation du virus, de la manière dont il touche. Et je trouve qu'il faut il faut aussi rester attentif à cet humain-là, par exemple cette personne âgée. Je ne suis pas d'accord, moi, quand on dit que... quand on compare, par exemple, la valeur de la vie des vieux et de la vie des jeunes. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que la manière dont une société prend soin de sa vieillesse, c'est super important, quoi. Ça montre qui on est. C'est, la vieillesse, oui, c'est peut-être moins productif que la jeunesse, mais c'est plein de sagesse. Et donc, je trouve que... Voilà, j'inviterai les gens, en tout cas, à réfléchir à deux fois s'ils veulent jeter dans la même bassine leur désaccord avec les mesures et leur désaccord avec le virus. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a une place à prendre. Et j'inviterai donc à écouter cette travailleuse sociale, Isaline Vranken, au micro de Bertrand Haine à Matin Première la semaine dernière. Elle a simplement écrit un texte à l'RTBF en y mettant ses tripes. Et elle est... C'est qui cette dame ? Donc, elle est travailleuse sociale dans un service pour toxicomanes, Babel, je pense, un service Basseuil, comme on appelle. Et elle a simplement mis sur papier son témoignage. L'impossibilité de faire son travail parce que les services sont saturés, son inquiétude pour les gens. Donc j'inviterai aussi tout le monde, voilà, ceux qui ont des témoignages, à les faire parvenir, à témoigner. Je pense qu'il ne faut pas entendre toujours Christine Mailly, Céline Meneuil. Je pense qu'il y a plein d'autres gens qui ont des expériences sensibles à partager. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour ceux qui n'ont pas d'expérience sensible à partager, il y a en effet des mobilisations qui vont avoir lieu. Et voilà, on va devoir à un moment donné tous sortir de notre petit cocon de solitude. Certains avec joie, d'autres avec plus de difficultés. Mais je pense qu'on va devoir se serrer les coudes si on veut que le monde de demain soit peut-être... En tout cas, à un niveau local, parce que je pense à la mondialisation, tout ça, je pense qu'au niveau des territoires, hein, on peut faire des choses extraordinaires, créatives. Et donc, investissez-vous là où vous êtes, autour de vous, avec vos voisins, dans votre commune. Il va falloir bouger à ce niveau-là en attendant que ça bouge tout au-dessus. Donc, on va devoir un peu être sur tous les fronts et donc on va avoir besoin de beaucoup de forces vives. Juste une petite remarque sur ce que tu disais, parce que c'est vrai que quand tu parles des vieux et des jeunes, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe, je trouve, comment les médias renvoient tout ça. Parce que moi, je crois que c'est bien que les jeunes... parce que j'ai lu un petit billet de toi par rapport aux jeunes du Bois de la Cambre. Je ne sais plus exactement, mais tu avais l'air pas très chaude. Enfin, c'est peut-être pas le mot, mais pour dire que c'est... Enfin, voilà, je trouvais que tu étais... Enfin, j'aimais bien ce que tu disais juste avant. Tu comprends? Et puis là, avec les gens... Et là, maintenant, je crois que... Les vieux et les jeunes sont faits pour s'entendre. Hein. Je crois qu'on fait tout pour les disputailler là, ouais. Mais que au fond les jeunes ils bougent aussi pour. Je sais pas si tu sens un peu ça dans le vent, c'est-à-dire qu'il y a une société un peu autoritaire qui est occupée à se mettre en place où on ne doit pas trop se poser de questions. Et je trouve que c'est pas que les jeunes, hein, mais sont occupés à mettre ça en cause, quoi, la liberté de se déplacer, quoi. C'est pas simplement la liberté bêtement. Tu comprends? Je trouve que j'avais envie de t'entendre. Alors, il y a deux choses. D'abord, ce que j'ai dit sur le Bois de la Cambre, pour moi, c'est principalement de dire que c'est pas pour rien que ça se passe à la Cambre et pas à Molenbeek. Ça veut dire que on sait bien qui sont derrière ces organisateurs, hein, ces organisations. C'est pas des jeunes eux-mêmes, hein, c'est des... Ah bon? C'est des gens du monde de la nuit, de l'événementiel, la boum, la bim, c'est des gens, je connais pas, mais c'est des DJ assez connus. Et je pense que c'est pas pour rien que l'appel a été fait autour du Bois de la Cambre, comme il a été fait dans d'autres lieux plus bourgeois. C'est pas pour ça que les jeunes qui étaient là étaient bourgeois, absolument pas. Je pense que si ça avait lieu à Molenbeek, on aurait parlé d'une émeute. Hein, oui. Et on aurait eu peut-être moins d'empathie par rapport aux jeunes qui étaient, oui, sur place. Donc voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la question que tu me poses, c'est que ce que je me rends compte, c'est que en fait, je ne parle pas du discours des jeunes ni du discours des vieux. Je parle du discours des autres sur les jeunes et sur les vieux. Et je n'ai jamais entendu un jeune relativiser la vie d'un vieux, et j'ai jamais entendu un vieux se moquer d'un jeune. Mais j'entends des gens qui disent. Nos enfants, cette génération sacrifiée, nos jeunes, etc. Eh bien, ces gens-là sont souvent pas des jeunes qui vivent des inégalités criantes depuis des années, ce sont des jeunes qui ont perdu une partie de ce qui, pour d'autres, était déjà des privilèges depuis des années. Et donc, ce que je veux simplement dire, c'est sûr, on est nombreux à avoir perdu des privilèges, ce qu'on appelle aujourd'hui des libertés. Mais c'était déjà des privilèges avant. On est nombreux à les avoir perdus. Donc aujourd'hui, on voit ce que c'est de vivre sans ça. Hein, on voit ce que c'est. Et donc, c'est peut-être le moment de rentrer en empathie avec ceux qui n'ont plus ça depuis des années, avec ceux qui luttent avec l'institution scolaire depuis des années, avec ceux qui ont décroché de l'école bien avant le numérique. Hein. Mettons, maintenant que quelque part la vague a touché le bout des pieds de la classe moyenne et supérieure et qu'elle a pu sentir la glaceur de l'eau, elle peut peut-être aller voir ceux qui avaient plongé depuis des années et comment les luttes peuvent converger. Moi, c'est surtout ça que je dis, il faut faire converger les luttes. Mais je trouve quand même que quand certains disent... Moi, cette phrase de dire c'est inaudible de sacrifier des jeunes pour des personnes âgées, vu le nombre de vies qu'il leur restait à vivre, moi, ça me choque. Mais je n'ai jamais entendu un jeune dire ça. Et je voudrais vraiment dire que ce n'est pas le discours des jeunes que je dénonce, c'est même parfois le discours de médiatique, et alors plutôt de parents, en fait. De parents qui vivent de manière tout à fait insupportable de voir leurs jeunes privés d'une partie de leur liberté qu'aujourd'hui j'appelle des privilèges. Merci Céline. Troisième mot de la fin.